Est-ce que vous pourriez préciser justement les problèmes que vous venez juste d'évoquer pour que cette convention d'association soit conforme à la loi? Parce que je crois que c'est, enfin, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ce problème, tant la loi paraît contradictoire parfois selon les sections. Est-ce que c'est possible? Sous réserve de votre contrôle aussi. En réalité, la question tient aux différents alinéas relatifs à l'association. Le premier alinéa qui consiste à ce que des établissements d'enseignement, enfin des EPCSCP sous la nouvelle nomenclature, s'associent entre eux, ou en revanche que ce soit uniquement des établissements concourant à la mission d'enseignement supérieur public, soit des établissements de statut de droit public ou de statut de droit privé s'associe à un EPCSCP. Et donc pour nous, il s'agira de voir dans quel cas exactement nous nous situons. Avec l'ICP, ce sera un contrat en propre et plutôt l'alinéa 2. Avec Sorbonne, sous toute réserve, encore une fois, et surtout sous toutes les réserves de la moulinette administrative gouvernementale, le troisième alinéa. La loi est très mal rédigée, tout le monde en convient. Nous savons par Bruno Andréotti à quel point certains ponts ont pu être néfastes ou quels événements locaux ont pu être néfastes à la précision du statut dit confédéral dans la loi du 22 juillet dernier. Alors, est-ce que ça va induire, notamment en Île-de-France, un peu de souplesse à l'égard des statuts universitaires, voire surtout du volet commun des communautés d'université et établissements? Parce que la question est là aussi. Je sais qu'en province, par des confidences d'autres présidents, la pression a été forte pour qu'il y ait le maximum de transferts vers le volet commun, laissant finalement un minimum au volet spécifique des établissements. Alors, il se peut qu'à Paris, du fait du poids de l'histoire, des traditions, de toute la reconnaissance en nom propre des universités ou écoles comme celle-ci, le volet commun puisse être plus léger qu'il ne l'est en province. Ça reste à voir. Pour ma part, je regrette que ces questions arrivent un peu tardivement à 2 mois de l'échéance. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des voix qui viennent de vos collègues présidents qui seraient en faveur d'un moratoire pour que les choses reprennent un cours plus calme et plus normal, ou est-ce que la voix de la CPU est représentative des individus que vous connaissez? Vous voulez me faire dire des méchancetés, Bruno, c'est pas bien. Non, la situation, n'est pas facile pour les présidents des universités de province. Un des effets qu'on nous présente comme étant stratégique et qui me paraît catastrophique de la loi, c'est la régionalisation de l'enseignement supérieur et ce que vous avez évoqué pour les organismes de recherche. En région, les liens avec les exécutifs locaux, avec les conseils locaux, ce sont des liens plus forts, plus étroits. Paris-Île-de-France et l'Île-de-France ont la chance relative d'être dans des rapports plus distants. Il y a un effet de masse des établissements d'enseignement supérieur, très forte présence des organismes de recherche aussi. Donc la situation est différente. En province, je crois que les présidents n'ont pas tellement eu voix au chapitre, je le crains. Et il y a eu un mouvement orienté vers une configuration relativement identique des statuts des communautés, avec notamment l'inscription dans le volet commun d'un certain nombre de points, dont la formation doctorale, qui n'est pas dans la loi. Mais je ne crois pas que la liberté qu'on nous vante beaucoup des établissements à mettre ce qu'ils voulaient dans le projet commun ait toujours et partout été respectée. Quant à la voix de la CPU, je ne sais pas s'il y a une voix. C'est une association, donc il y a un président, mais il y a peut-être des voix discordantes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas facile de négocier en région, il faut être très, très indulgent, je crois. Une question, mon président, sur le contrat. Il me semble qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a le contrat de site. Là, il y a volet commun. Et donc, il me semble que là, effectivement, il y a un jeu sur comment est-ce qu'on peut, sur quoi on doit mettre l'accent. On comprend bien que le ministère veut mettre l'accent sur le volet commun. Par contre, pour les statuts, là, sur la question des compétences, il y a une très grande marge d'appréciation des universités elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent, c'est ce que je dirais tout à l'heure, elles peuvent, parce qu'elles sont libres, pour le coup, d'élaborer leur statut, elles peuvent avoir un cadre très minimal de compétences. Donc, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on ne doit pas distinguer les deux niveaux ? Le contrat de site, là, effectivement, on est dans une situation très... Les universités sont dans une situation très contrainte, puisqu'elles dépendent financièrement de l'État, et on sait que c'est par là que l'État nous gouverne, nous administre. Mais en revanche, pour les statuts à venir, ou qui sont en train d'être élaborés, soit des communes, soit des associations, les universités ont relativement la main. Et pour... le cadre législatif est assez contraint. Et pardon, pour leur statut propre ? Oui, pour leur statut propre. Oui, pour leur statut propre, oui, effectivement. En attendant, tous les décrets d'application annoncés et non publiés, dont celui sur les enseignants-chercheurs, qui, rassurez-vous, sera publié une fois que les communes seront constituées. Oui, ça, c'est agréable. C'est la seule chose qui a fait bouger dans les affaires Pécresse. Là, l'expérience a porté et ça viendra plus tard. Et il sera trop tard. Enfin, oui. Oui, peut-être une demande de précision sur la question du contrat et de sa négociation. Dans l'association que vous envisagez avec une commune, comment se présente cette fameuse question du chef de file dont on nous rebat les oreilles, c'est-à-dire qui serait l'interlocuteur du ministère pour le contrat et les deux volets spécifiques et volets de site dans le cadre d'une association, d'une université avec une commune. La notion de chef de file n'existe pas, elle ne figure nulle part dans la loi. S'il y a contrat, il sera négocié avec la commu en tant qu'établissement public. Et ensuite, les statuts de la commu peuvent éventuellement prévoir pour les membres et pour les associés des clauses financières garantissant par exemple la ventilation à l'identique des dotations précédentes de l'État aux établissements. La notion chef de file, c'est une communauté administrative de plus, me semble-t-il, mais qui n'est nulle part dans la loi. Ça n'a d'ailleurs pas de sens. Il y a un établissement public interlocuteur de l'État. Ce sont les 30 têtes que voulait voir le ministère au tout début de cette affaire. J'aimerais vous poser une question. Je suis Yves Cohen de l'École des hautes études. J'aimerais vous poser une question à propos de votre politique d'association, c'est-à-dire que est-ce qu'il... Et votre tactique, à la limite, c'est-à-dire qu'il reste peu de temps, on est très pressé, mais est-ce que vous envisagez d'approcher d'autres établissements pour leur proposer éventuellement de s'associer avec vous, en dehors même de la commune qui vous était promise ? Écoutez, s'il y a des... approcher de mon côté, je ne pense pas, parce que j'ai donné à mes collègues des informations, toutes celles que j'avais, donc je ne souhaite pas modifier l'équilibre actuellement. En revanche, si d'autres établissements viennent me voir en disant que penseriez-vous au fait que nous associons, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?